dans les clips. Là vous êtes plein, mais seul tu flippes. Tu dis que tu fais le pain, mais c'est que du vide. Tu connais le refrain, tu te prends pour qui? Explique-moi, tu te prends pour qui? Oh, tu te prends pour qui? À quoi sert ton habillage Gucci si en fait dans tes poches à dit? T'es venu me sucer pour un feat, oh, juste pour un feat. Tu critiques une fois qu'on a fait, non, parle pas mal, alors c'est mon fils. La fin proche, ouais, j'envoie les signes, ouais, j'envoie les signes. Comme ce qui se passe à la Palestine, pour nos racines, ils ont fait des steams, ils ont pas des slays. Le peu d'amour que j'avais, ils me sous-estiment, mais les slays, une bombe, moi, me dit, pépé slay, pépé slay. Allez, pépé, pépé, c'est la crème pour que tu bêlais. Avec nous, les princes de Bel Air. Devant tes amis, tu joues le fancho. Devant tes ennemis, t'as moins de sang chaud. Devant tes amis, tu joues le fancho. Devant tes ennemis, t'as moins de sang chaud. Tu m'as fait cool, oh, tu te prends pour qui? À quoi sert ton habillage Gucci si en fait dans tes poches à chip? Tu traînes à mal dans le hood, oh, je te vois pas, t'es où? Je te vois pas, t'es où? Je te vois pas, t'es où? Tu fais le malin que dans les clips. Là, vous êtes plein, mais c'est que tu flippes. Tu dis que tu fais le pain, mais c'est que du vide. Tu connais le refrain, tu te prends pour qui? Un seul de nous deux, y'a un seul de nous deux, oui, un seul de nous deux qui survivra. Qu'un seul de nous deux, y'a qu'un seul de nous deux, y'a qu'un seul de nous deux qu'on oubliera. Tu fais pas du rap pour plaire aux filles, oh, pour plaire aux petites. Si tu sais pas viser, reste dans ton aide, je n'ai pas la tête à me faire des films. Oh frérot, t'hallucines, la vie c'est pas le ciné. Reste tranquille, rappeur de merde, préviens ton équipe. Préviens ton équipe, on s'en bat les couilles que t'es costaud. Ferme un peu ta gueule, monte l'équipe. Je vais tout baiser à la Lil Kim. Ne viens pas m'aider, tu sous-estimes. J't'ai mis à la vente, toi et ta team. J'ai la technique des achachis. Arrête tes pipes, on verra le people. Tout le monde sait que c'est que du pipo. Juste pour un menu chicken, tu te fais acheter, tu joues le tableau. Devant tes amis, tu joues le fancho. Devant tes ennemis, t'as moins le sang chaud. Devant tes amis, tu joues le fancho. Devant tes ennemis, t'as moins le sang. Tu m'en veux cool, oh, tu te prends pour qui? À quoi sert ton habillage Gucci si en fait dans tes poches à chip? Tu traînes à mal dans le hood, oh, je te vois pas, t'es où? Je te vois pas, t'es où? Je te vois pas, t'es où? Tu fais le malin que dans les clips. Là vous êtes plein, mais c'est que tu flippes. Tu dis que tu fais le pain, mais c'est que du vide. Tu connais le refrain, tu te prends pour qui? Un seul de nous deux, y'a un seul de nous deux, oui, un seul de nous deux qui survivra. Qu'un seul de nous deux, y'a qu'un seul de nous deux, y'a qu'un seul de nous deux qu'on oubliera. Tu fais le malin que dans les cœurs. Là vous êtes plein. Y'a qu'un seul de nous deux qu'on oubliera.